L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Cinquième épisode. J'avais 60 ans. J'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant, le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Henke, ancien officier de marine, et maintenant sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et aux services secrets. J'avais découvert que Hakan avait été au cœur d'une histoire de sous-marin russe dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage, j'allais le demander au seul vétéran qui avait été aux côtés de Hakan à cette époque, son ami Sten Nordlander. Je te vois beaucoup ces temps-ci, Sten. Il est au fond, il t'attend. Merci, Mathieu. Nordlander, merci d'être venu si vite. J'étais dans les îles avec mon bateau, je suis toujours dans le coin. Le café à mille feuilles. Voilà. Merci. Alors, commissaire, dites-moi ce que vous avez trouvé. Hakan tenait un journal. Une sorte de carnet de bord dans lequel il couchait les résultats de ses recherches sur les événements de Uto. Ouais, il m'en avait parlé. Il tenait comme à la prunelle de ses yeux, mais je ne l'ai jamais vu. Il disait... Je l'ai trouvé. Tenez, regardez. Vous l'avez trouvé où ? À l'hôpital, dans la chambre de sa fille. Signe ? Vous saviez ? Hakan m'a dit il y a des années qu'il avait une fille handicapée. Avec Louise, il n'en parlait jamais, je respectais ça. Alors... Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal ? Vous avez appris quelque chose ? Je l'ai parcouru rapidement. Pour l'instant, ça me fait plutôt l'effet d'un redoutable fourre-tout. Il y a des photocopies d'extraits de journal d'état-major, des notes à peine lisibles, des noms, des aphorismes, des coupures de presse, des photographies, des cartes marines, des aquarelles même. C'est pas un journal intime. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil, voir si quelque chose vous arrête, un détail qui cloche. Il y a beaucoup de jargon pour moi. Incident sous la surface, personne ne voit ce qui approche, le sous-marin rôde, nul ne veut le voir. Oui, il y a aussi des haïkus apparemment, c'est presque de l'obsession, à la limite de la folie. C'est tellement loin du Hakan que je connais. Écrire n'était pas vraiment son genre, ses journaux de bord ne racontaient presque rien. Il disait toujours qu'il ne savait pas quoi écrire. Les gens ne sont souvent pas ce qu'ils semblent être. Ce qui ressort, c'est que Hakan ne cherchait pas quelque chose, mais quelqu'un. Ça revient sans cesse dans ses notes. Qui prend les décisions ? Qui les fait annuler ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez vu quelque chose ? Un truc étrange ? Secret ? Bizarre ? Non, rien. Alors pourquoi le cacher ? Ça n'a aucun sens. Vous savez, à l'époque où tout ça est arrivé, il posait beaucoup de questions à tout le monde. Ça a déplu à certains et il a fini par passer pour une sorte d'illuminé, un homme peu fiable. Peut-être qu'il avait simplement honte. Vous avez lu ce qu'il a écrit, là ? Je ne peux plus avancer, mais je suis déjà bien assez loin. Oh, ça fait froid dans le dos. Il faut que je vous emmène quelque part. Bienvenue à bord d'un authentique Peterson, monsieur Wallander. Entièrement d'origine. Mais on n'en fabrique plus des comme ça. Le plastique donne moins de travail quand il faut le remettre en état après l'hivernage, mais on n'aimera jamais un bateau en plastique de la même manière. Sentez-moi ça. On dirait un bouquet de fleurs. Dis-nous, c'est la bonne vitesse. On a le temps de sentir la mer. Pas seulement d'avancer en rebondissant comme si on était pressé d'atteindre l'horizon. On va où ? À Hutton. Là où on a retrouvé le premier sous-marin en 1980. Hakan ne fait qu'en parler dans son journal. Je pense que c'est bien que vous voyez l'endroit. Cette crique, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Hein. Ici, au moins, personne ne vient me déranger. Tenez, envoyez-moi la mare. Bienvenue sur mon île. Un petit café ? Je vous remercie. Maintenant qu'on est ici, on doit se tutoyer. D'accord. Comment s'appelle-t-elle ? Qui ? Ton île ? Elle est trop petite pour avoir un nom. Avec Hakan, on venait ici pour être tranquille, parfois échapper au stress par les profondeurs. C'est là qu'on a largué les charges. Et c'est par là que le sous-marin a pu s'échapper, par des champs de mines non activés. Il y a beaucoup d'écueils dans le secteur. Seul un équipage très entraîné et surtout très bien informé était capable de naviguer en immersion dans ce détroit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que Hakan n'était pas le seul à être en colère parmi nous. Les petits, ceux d'en bas, même plus bas qu'en bas, ceux du dessous. C'était pas normal que ces sous-marins aient un temps d'avance sur nous. Ils agissaient comme s'ils connaissaient notre tactique, comme s'ils savaient où étaient nos mines, comme s'ils avaient suivi les conversations de nos chefs. Des espions ? La rumeur parlait d'un espion encore plus haut placé que tout ce qu'on pouvait imaginer, au cœur même des plus hauts gradés de l'état-major. N'oublie pas qu'à l'époque, en Norvège, sévissait une espionne dans le cercle même du gouvernement. Certains chez nous parlaient même du Premier ministre. Celui que Hakan avait rencontré ? Ça m'a toujours paru une thèse absurde. Et je ne crois pas que Hakan y croyait non plus. Ah, j'aimerais bien relire le journal ici. Tu peux te baigner en attendant. Tu plaisantes ? Tu te trempes là-dedans ? Souvent, oui. En général, elle est à 10-11 degrés. Ça conserve. Non, je vais plutôt faire des ricochets. C'est plus mon truc, ça. Quand avais-je jeté à la mer des galets pour la dernière fois ? Linda était adolescente. Elle se cabrait au simple mot d'excursion. Je l'avais entraînée et elle s'était révélée bien meilleure que moi au ricochet. Aujourd'hui, elle était pour ainsi dire mariée. Un homme l'attendait quelque part et c'était le bon. Et c'est pour ça que j'étais assis sur ce bout de rocher à regarder la mer en pensant aux parents disparus de ce garçon. Et aux miens aussi. Un jour, j'apprendrai à Clara à lancer des pierres le plus loin possible pour le plaisir de les voir sauter à la surface avant de couler. Wallander, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Cette photo, elle est bizarre, regarde. Il y a quelque chose qui colle pas avec le reste. Je sais pas comment dire, elle est un peu trop civile. Civile ? Oui, regarde. On dirait un port. Avec un genre d'entrepôt et des casiers de pêche, peut-être. Ouais, ce sont des pêcheurs à côté de leur chalutier, un père et son fils, sans doute. Ce sont les seuls de l'album à pas être en uniforme. Je ne les connais pas, mais c'est bizarre. Je ne vois pas quel pêcheur Hakan aurait pu fréquenter. Tu arrives à lire le matricule du chalutier ? Un G peut-être, ou un R. Ah, j'en sais rien. Les chiffres, c'est plus facile. 123. Faudrait appeler la capitainerie. Allô ? Bonjour madame, je vous appelle de la part de la capitainerie. J'aurais voulu parler à Iskil Lundberg. Oui, c'est bien là, c'est mon mari, mais il est en mer. Ah, en train de pêcher, je suppose. Et que ferait-il d'autre ? A-t-il toujours un chalutier immatriculé NRG 123 ? Oui. Il a essayé de le vendre il y a longtemps, mais personne n'en voulait. Il a fini par pourrir sur place. Iskil a bradé le moteur pour son couronne. Pourquoi vous voulez l'acheter ? Non, je voulais juste parler à votre mari, si c'est possible. Est-ce qu'il a un portable ? Ça passe pas ici. Venez demain, il sera rentré. Firouden était un petit port en train de mourir. Les bateaux de plaisance avaient remplacé les bateaux de pêche. Les pontons étaient déserts. Mais derrière les entrepôts aveugles, on devinait les anciennes activités de l'île, comme si le paysage d'été pouvait se transformer l'espace de quelques minutes en une image en noir et blanc. Le passé ne s'efface jamais tout à fait, alors que parfois on oublie le présent, dans un restaurant ou sur le parking d'une gare. Vous êtes Iskil Lundberg ? Oui. Commissaire Wallander ! Est-ce que vous connaissez un certain Akan von Enke ? Non. Et sa femme, Louise ? Non plus. D'une manière ou d'une autre, vous vous êtes forcément croisés. J'ai trouvé dans un cahier qui lui appartient une photo de vous, enfant, avec un homme qui est probablement votre père, à côté d'un chalutier immatriculé NRG 123. Ouais. Mon père l'a acheté au début des années 60. Il y avait encore beaucoup de harengs dans la Baltique en ce temps-là. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'anguilles non plus. J'aimais bien pêcher d'anguilles avec mon père. Bientôt, il n'y aura plus de poissons du tout. Mais c'est pas grave. Les politiques et les gros armateurs se gavent. Et les clients ont du cabillaud dans leur assiette toute l'année. Les pêcheurs crèvent. Comme les fonds marins, ça doit être dans l'ordre des choses. Et votre père, il connaissait Akan ? Mon père est mort. Et il ne fréquentait pas ces gens-là. C'est-à-dire ces gens-là ? Les nobles. Akan von Enke est un marin aussi, comme votre père et comme vous. Je fréquente pas les nobles non plus, mais cet homme qui a disparu est important pour ma fille et pour ma petite fille. Vous comprenez ? Ok, montez. Je vais vous emmener chez moi. Il y a trop d'inconnus ici, à mon goût. On a 36 îlots sur l'exploitation, du terrain, des œufs de pêche, des milliers de rochers. C'est pas rien. Vous voyez là-bas ? C'est notre maison. Et ça là-bas, au loin, sur l'île ? Ça ? C'est un vieux cabanon de chasse. Mon père s'en servait avec ses copains quand il partait chasser l'oiseau de mer. Bah, ou alors il y allait quand il voulait être tout seul, voire tranquille. Vous voyez le genre. À votre avis, comment votre père aurait pu connaître un capitaine de frégate ? Mais justement, il pouvait pas. Mon père détestait les militaires. D'après lui, on aurait dû supprimer toute la marine suédoise, les gradés, les appelés, tout le monde. Pourquoi ? Ils étaient partout chez nous, entre nos îles, avec leurs manœuvres et leurs exercices. On a un pont qui a été détruit deux fois de suite par le remous des bâtiments militaires. Plusieurs fois, les équipages se sont débarrassés de leur reste de nourriture dans des puits. Eh, quand on sait ce que ça représente, un puits, pour les habitants des îles, on fait pas ça. Le vieux a écrit pour se plaindre, plein de fois. Mais bien sûr, zéro dommage et intérêt. Le pire, c'est ce chalutier-là dont vous parlez. Ils ont carrément failli nous le couler. Racontez. On pêchait avec mon père à l'est de Gotland quand c'est arrivé. Le bateau a commencé à agiter brutalement, une grosse secousse. Je m'en rappelle très bien, j'étais petit, j'ai cru qu'on allait carrément couler. Quelque chose s'était pris dans les filets. Mon père a eu très peur. Quand il était plus jeune, ça lui était déjà arrivé de remonter des grenades sous-marines. Lui et ses gars ont dégagé le filet à coups de couteau. Et quand ils l'ont remonté, ils ont ramené à la surface un drôle de truc. Une espèce de gros cylindre d'acier d'environ 1 mètre de long. Ça ressemblait à une pièce de machinerie de bateau. On n'a pas réussi à comprendre ce que c'était. Mon père l'a mis dans un coin. Mais après, on a commencé à voir arriver des tas de bâtiments de guerre. À l'endroit précis où on avait remonté ce truc, les bateaux restaient sur place. Puis, ils se déplaçaient bizarrement, en cercle de plus en plus serré. Ils cherchaient le cylindre ? Exactement. Mais mon père, il n'avait pas la moindre intention de rendre le cylindre à ces abrutis qui avaient esquinté son chalut. Il a continué à pêcher en faisant semblant de rien, juste pour les emmerder. C'est pour ça que j'ai du mal à l'imaginer copain avec un de ces mecs. Vous l'avez toujours, ce cylindre ? Ouais, il doit encore être dans la remise. On peut aller voir si vous voulez. Ah, volontiers, oui. Tenez, regardez, il est là. On dirait une sorte d'étui à cigare géant. Ouais, il n'y a pas de numéro de série, pas d'identification, rien. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vous voulez le prendre ? Ça peut vous aider ? Ah oui, merci beaucoup. Je connais quelqu'un qui saura peut-être ce que c'est. Oula, je vous ramène. Il faut qu'on se dépêche. Vous me direz si vous trouvez ce que c'est ? J'écoute. Je voudrais parler au commissaire Itterberg, s'il vous plaît, c'est urgent. Le commissaire est parti avec une équipe. Je ne sais pas quand il sera de retour. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un double appel. Allô ? Papa, c'est moi. T'es où ? Linda. Papa, Linda, je t'entends très, très mal. Je suis au papa, volant. Papa, il faut... Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Mais merde. Allô ? Allô ? Je disais, il va rentrer tard dans la nuit. Voulez-vous que je prenne un message ? Non, non, merci, je vais me débrouiller. Je le rappelle plus tard. Comme disait Rydberg, un flic reste toujours un flic. Je voulais tout donner à Itterberg, le journal, le cylindre, lui donner tous les éléments de cette fichue piste et m'occuper de ma fille, de Clara, de Yossi. Me reposer en attendant de retrouver ou non mon job. Réfléchir à d'autres choses qu'à des meurtres, des cadavres, des disparitions. Mais pourtant, j'avais ce truc sur ma banquette arrière. Ce truc que j'étais obligé de rapporter chez moi. Et je savais qu'au fond de moi, quelque part, il y avait un flic qui souriait. Linda, t'as pas tes clés ? Depuis combien de temps t'es là ? Il est complètement démoli. Tu débarques, tu l'accuses, et tu disparais pendant 2 jours. Mais papa, on est qui pour toi au juste ? Un enfant caché, un journal secret ? Anne s'est complètement bouleversée. Ses parents sont en train de devenir de parfaits étrangers. Je suis navrée, Linda. J'ai compris maintenant qu'il ne savait rien. Je suis désolée. Il veut rencontrer sa sœur. Je crois pas que ce soit une bonne idée qu'il la voie maintenant. Peut-être, mais là, il est en train de craquer, papa. Vous devez faire attention. J'ai retrouvé un cahier dans la chambre de Signe. Akan aurait dû le récupérer. Pour moi, il a bien été enlevé. À moins qu'il ait eu peur de l'avoir sur lui. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'il dissimulait ses notes. Parce que ce dont il parle est toujours d'actualité. Ce n'est pas le passé qu'il fouillait. Attends. Tu veux dire que ce vieux truc en 82 aurait encore des ramifications aujourd'hui ? Imagine. S'il était à la recherche d'un agent russe et qu'il avait mis le doigt sur quelque chose, au plus haut niveau, et qu'ensuite, il a découvert qu'il était surveillé. Tu veux un autre café ? D'où le geste vers son arme le soir de son anniversaire. Tu as touché à quelque chose? Quoi? Tout à l'heure, tu n'es pas rentrée. Non. Quelqu'un est venu ici. Quoi? Je cale toujours ma fenêtre avec un morceau de papier. Regarde. Il est tombé, ça signifie que quelqu'un s'est introduit ici. Heureusement que j'avais le cahier avec moi. Ça n'est pas sûr ici. Rentre chez toi. Papa, il y a quelqu'un qui se garde dans ta cour. Tu reconnais la voiture? Non. Sors par derrière. Hors de question, je te laisse tout seul. Je te dis, dépêche-toi. C'était « L'homme inquiet » de Henning Mankell. Traduction, Anna Gibson. Adaptation, Claire Luluerne. Cinquième épisode, avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Jean-Pierre Calfon, Sten Nordlander, Marie-Bénédicte Roy, Mathilda, Valérie Moinet, Madame Lundberg, Pierre-Marie Schneider, Eskil Lundberg et Élodie Vincent, Charlotte Dessert, Lucas Enaf, Françoise Cousin, Louis-Marie Audubert, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À lundi.